paix. Femme, tout rêve à vous c'est partager. Envie et espérer en tout nos sentiments. Moi dire, femme, si ça paraît si propre pour moi, la fête est qu'est en Paris, moi, brisé j'ai en moi, pour toujours. Capoter ou vasier à pour se marcher. Allez tout droit, tout vent, pas baisser bois, faut vous quimber. Un jour, que ricou passer, ricou passer. Envie, espérer en tout nos sentiments. Moi de femme, si ça paraît si propre pour moi, l'en fait est que en Paris, moi brisé j'ai en moi pour toujours. Ba ba ba bé, ba ba baby. A dans l'amour à vous. L'évite ta wallet. Qu'est dit en ciel, c'est toi qui qu'a filé. Qu'a filé, qu'a filé. A dans tu tiens en nous. Vous formez pas plus douce qu'on ça. Vous formez pas plus douce qu'on ça. Hey! Show! Qu'on ça. Demain on passe à ça la vie capoté. Ou vasier pour ça marcher. Allez tout droit devant. Pas baisser bras, faut vous chaber. Ou guérir, coup penser. Évitez ta wallet. Qu'est dit en ciel, c'est toi qui qu'a filé. Qu'a filé, qu'a filé. A dans tes chèvres.